Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et j'ai maintenant, dans le studio à mes côtés, la candidate pour Québec solidaire dans la région de Masquinongé, Mme Julie Veilleux. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Bon. Donc, on dit que vous vous présentez comme une femme engagée, détentrice de MBA ainsi que d'un diplôme en ingénierie. Pourquoi vous avez choisi Québec solidaire? En fait, bon, là, tu m'as fait une présentation. J'ai un parcours peu commun. Donc, moi, c'est vrai que, bon, c'est ça, j'ai un bac en génie. J'ai passé par Nortel dans mes premières années. Et avec ce qui s'est passé avec ces compagnies-là, après ça, j'ai changé complètement de domaine. Je suis allée vers le développement social, donc le communautaire, les coopératives, tout ce qui est développement social, ça me passionne. Puis après ça, pour aller chercher davantage d'outils, je suis allée chercher un MBA. Et maintenant, moi, Québec solidaire, en fait, c'est la continuité de mon parcours, finalement, de mon cheminement de carrière et aussi personnel. Qui est axé plus vers le social, c'est ça? Exactement. Moi, c'est les valeurs qui viennent me chercher. Puis je trouve que c'est un parti qui a des projets concrets en lesquels je crois pour un meilleur Québec. Très bien. On m'a dit aussi que vous aviez fait un stage aux Nations Unies et qu'à la suite de ce stage-là, vous avez décidé de vous installer dans la région, dans le comté de Masquinongé, même si vous venez de Trois-Rivières. Pourquoi? Ben en fait, j'habite encore Trois-Rivières parce que j'habite en fait à Pointe-du-Lac. Donc, Pointe-du-Lac, okay. C'est Trois-Rivières. Mais je veux me rapprocher du rural tranquillement. Donc, bon, éventuellement, je pense être propriétaire. Puis j'envisage de me rapprocher de la région. Puis c'est une région que je trouve magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portait votre stage aux Nations Unies? Oui, tout à fait. En fait, juste pour faire une mention que j'ai fait mes études à l'UQTR. Donc, j'ai terminé ma maîtrise tout récemment. Puis, c'est un professeur qui m'a mis en lien avec quelqu'un à l'Organisation internationale du travail. Okay. Donc, étant donné que j'avais une expérience avec les coopératives, j'ai pu avoir une porte ouverte là, pour aller travailler dans l'équipe des coopératives parce que cette année, c'est l'année internationale des coopératives. Donc, il fallait travailler à la promotion pour l'organisation de l'événement, bon, de tout l'événement là, qui comportait beaucoup de dossiers. Donc, j'ai travaillé avec l'équipe. Et ensuite de ça, c'est 3 mois. Puis après ça, j'ai fait un 3 mois aussi en stage avec l'entrepreneuriat féminin. Oh. Donc, voilà, un stage vraiment hyper enrichissant. Oh. Une belle expérience à l'international aussi. Ça doit. Oui, tout à fait. C'est en Suisse en plus. En Suisse, qui m'a permis de voir un autre contexte au niveau politique. C'est ça qui m'a donné envie de m'engager dans la politique. Mmh. Parce que les Suisses, c'est particulier. C'est un autre système politique que le nôtre. Là. C'est pas, ça marche beaucoup par référendum, hein, c'est ça? Exactement. C'est 4 référendums par année où on recueille toutes sortes de questions de la population. C'est tout un mécanisme. Et les gens sont très politisés. Mais surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai pas vu de morosité. Mmh. Puis tout le monde est conscient de ce qui se passe. Les gens sont au courant. Puis les gens sont positifs face à la politique. Ils se sentent impliqués. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Ça m'a donné envie. Ça m'a permis de croire qu'on pouvait faire les choses autrement par des mécanismes qu'on pouvait changer. Mmh. Ah oui, c'est sûr. Oui. On dit que vous œuvrez à la mise... Excusez-moi. Vous avez œuvré à la mise à pied de l'écomarché.ca. La mise en œuvre. Oui, la mise en œuvre, oui. Est-ce que vous pourriez me dire, ça traite de quoi justement ça? Oui, en fait, l'écomarché, c'est une coopérative d'achat local en agriculture qui a pris naissance dans la région MRC des Chenaux et à Trois-Rivières. Donc, il s'agit en fait d'une coopérative qui met en lien des producteurs qui veulent vendre leurs produits régionaux, donc des petits producteurs qui n'accèdent pas aux tablettes d'épicerie et des producteurs qui veulent manger sainement. Donc, c'est à travers l'écomarché, en fait, qui est une plateforme avec une plateforme Internet où les gens achètent en ligne. Donc, à chaque semaine, les gens font leurs courses, leurs achats en ligne et les producteurs viennent livrer selon ce que les consommateurs ont commandé avec un point de chute là, qui est situé dans Sainte-Marguerite ici là, et aussi dans la MRC des Chenaux. Et tout récemment, un point de chute aussi à Shawinigan et on espère qu'il va en avoir encore plus. Okay. Donc, on soutient l'agriculture locale. OK. Puis les producteurs, c'est vraiment des producteurs locaux. Exactement. Okay. En fait, c'est des producteurs. La règle, c'est qu'ils soient dans un rayon de 60 km du point de chute. OK. Puis on cherche à avoir une diversité la plus grande possible dans les produits là, pour que les gens puissent faire le plus possible une épicerie complète à l'écomarché. Donc, encore là, ça vient vraiment rejoindre la philosophie de Québec solidaire. Définitivement, parce que Québec solidaire veut soutenir l'agriculture de proximité. Puis, on veut aider, en fait, on veut soutenir la souveraineté alimentaire du Québec. Donc, garder nos fermes, garder notre diversité, puis faire aussi une agriculture responsable. pour nos terres, pour nos agriculteurs aussi. Nous, on soutient ça pour différents aspects. Donc, ça rejoint exactement les valeurs de Québec solidaire, en effet. Très bien. Ma prochaine question, elle porte sur Québec solidaire, de la section Mauricie. Puis, j'aimerais savoir, vous autres, est-ce que vous travaillez plus de votre côté, par exemple, toi qui es dans Masquinongé, est-ce que tu travailles plus pour Masquinongé? Ou c'est pas tout le contraire, est-ce que vous voulez plus travailler comme tous les candidats ensemble? C'est une très bonne question. En effet, c'est très particulier notre dynamique parce qu'en effet, on travaille les 5 candidats de la Mauricie main dans la main. Donc, depuis le tout début, la formation de l'équipe s'est faite avec une équipe centralisée. Nos formations, toute l'organisation de la campagne est faite centralisée avec les 5 candidats. Donc, on s'entraide sur différents sujets. Il y a certains candidats qui sont plus experts dans certains sujets que d'autres. Okay. Puis, sur toutes les questions, on travaille en équipe. Donc ça, c'est magnifique parce qu'on rallie nos forces ensemble. OK. Puis, au niveau le national, est-ce que tu dirais que Québec solidaire d'aussi bon... Ben, Québec solidaire, section Mauricie, elle a d'aussi bon lien avec l'ensemble, je vous dirais, de tous les autres regroupements de Québec solidaire à travers le Québec, ou l'idéologie de vos deux porte-paroles, qui sont Mme David ainsi que M. Amir Kadir? C'est sûr que nous, on se rapporte toujours au national. Bien sûr, on a la plateforme qu'on suit. On a toute l'information qui nous provient, puis on est en contact continuel avec le national. Évidemment, nos deux porte-paroles ont un défi, surtout Françoise David, un défi. Il faut absolument qu'elle se fasse élire. On la veut à l'Assemblée, absolument. Même qu'il y a des gens de Trois-Rivières qui vont l'appuyer. Il faut absolument que Françoise soit à l'Assemblée. Il faut que Amir Kadir soit encore élu. Et il faut comprendre aussi la dynamique avec Québec solidaire. C'est un peu différent des gros partis parce que Amir et Françoise ne sont pas des chefs, ils sont des porte-paroles. Et ça change toute la dynamique. Donc, on est des comités très forts. Les gens à l'extérieur de Québec solidaire voient que Amir Kadir, c'est la référence. Mais quand on est à l'intérieur de Québec solidaire, on voit plusieurs comités, on voit beaucoup de personnes impliquées. C'est pas juste lui qui travaille. Non. Je suis allée au congrès, puis Amir, quand il a pris la parole, il a fait la file pour prendre le micro, comme les autres membres. Donc, c'est très particulier. C'est pas des chefs qui commandent. Tout est fait démocratiquement, puis ça se répercute dans toutes les sphères de l'organisation de Québec solidaire. Ce qui est très différent des partis traditionnels. Ou t'as le chef qui décide quasiment tout, là. C'est ce que ça donne. C'est ce qu'on entend, puis j'ose croire que c'est ça, que c'est complètement différent. J'ai jamais participé, mais avec ce qu'on entend, puis avec l'impression que ça donne, le chef décide et les gens doivent suivre. Ouais. Parce qu'à Québec solidaire, les décisions sont prises démocratiquement, donc ça fait une meilleure acceptation. Quand on a un programme, ça a été accepté à majorité. Donc après ça, ça fait une plus grande assumation de nos décisions, puis ça fait un parti encore plus fort. Des racines encore plus ancrées. C'est pour ça que je crois, c'est une des raisons. J'ai plusieurs raisons de vraiment croire en Québec solidaire, mais ça pour moi, c'est quelque chose de majeur. Puis ce qu'on crée à Québec solidaire comme atmosphère démocratique, c'est ce qu'on veut avoir éventuellement à l'Assemblée. Pour le Québec. Pour le Québec, exactement. Très bien. Puis je tiens à dire aussi un autre dernier petit point, la parité homme-femme, c'est magnifique. On a deux porte-paroles et c'est voulu d'avoir évidemment un homme et une femme, et ça, c'est unique au Québec d'avoir un parti avec deux porte-paroles. Et aussi, on est le premier parti qui a atteint la parité au niveau de nos candidats. Qui a autant de candidats féminins que masculins. Au Québec, ça. Exactement. C'est très bon. Oui. Si on revient sur la dernière grève étudiante, on sait très bien que Québec solidaire, tout comme la classe, sont, en fait, leur vision de la chose, si on veut régler ça, ça serait vraiment plus comme d'adapter la gratuité scolaire, qui est un concept peu connu au Québec, mais par contre qui est très répandu dans certains pays, comme en Scandinavie, par exemple. Exactement. Advenant le cas que Québec solidaire forme le prochain gouvernement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'éducation? OK, c'est ça. Merci d'amener le point. C'est très important pour Québec solidaire. La gratuité scolaire est un enjeu. En fait, est un enjeu majeur parce qu'en fait, la gratuité scolaire existe dans notre programme depuis la fondation de Québec solidaire en 2006. Donc, c'est pas depuis le contexte de grève qu'on a pris cet axe-là. Donc, ça fait longtemps. Donc, en ce moment, nous, ce qu'on dit, c'est on prône de pas hausser les frais de scolarité parce que on sait que ça fait un débat assez important au Québec. Oh oui. Puis, c'est sûr que nous, un jour, quand on sera à l'Assemblée, qu'on sera majoritaire ou qu'on aura des voix, qu'on se fera entendre, c'est sûr qu'on va prôner l'éducation gratuite parce que pour nous, ce qui est important, c'est l'égalité des chances à la réussite, l'égalité dans la vie en général, d'avoir d'avoir une vie équilibrée, d'avoir... Et ça passe par un accès égal à l'éducation, un accès égal à la santé, un accès égal à des leviers économiques. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde parte sur le même pied d'égalité, puis après ça, chacun fait son chemin avec la chance égale que tout le monde au départ. Est-ce que, ben, je sais pas si vous en avez parlé dans vos congrès, mais est-ce que si jamais, par exemple, vous prenez le pouvoir, que vous faites la gratuité scolaire, je pense que c'est supposé prendre 3 ans le projet qui a été présenté, là, mais éventuellement, est-ce que aussi, par exemple, est-ce que le système de prêt et bourse resterait là ou ça serait... C'est une très, très bonne question. Ça va m'amener à parler d'autres choses. Okay. En fait, Québec solidaire est assez novateur sur plusieurs aspects de son programme, assez courageux dans des propositions. On propose, entre autres, une mesure qui est très novatrice, qui est le revenu minimum garanti, qui est d'assurer, bon là, on parle de 12 000 $ pour chaque adulte. Donc, chaque adulte rendu à 18 ans a un minimum de 12 000 $ dans ses poches. C'est un peu comme un salaire citoyen, c'est ça? Exactement. Donc, ça se fait dans d'autres pays. Là, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et on abolit, bon, prêt bourse, on abolit assurance chômage, on abolit l'EBS. Et qu'est-ce que ça fait? Ça met, encore une fois, tout le monde sur le même pied d'égalité. Ouais. On enlève des frais de gestion hallucinantes, des complexités où est-ce qu'on amène les gens à rester dans une paresse sociale parce qu'ils sont ghettoisés dans un système de bien-être social ou de chômage où, oups, s'il fait tant d'heures, il est coupé. Puis le stress qui embarque avec ça. Le stress qui embarque. Donc, à la base, tout le monde est égal. Tout le monde a un levier économique pour embarquer, pour pouvoir aller se vêtir, pour aller chercher son aller s'éduquer, pouvoir se véhiculer. Puis après ça, veut, veut pas, l'humain est fait pour aller toujours vers le meilleur. Donc, on enlève les chaînes, là, puis on aide les gens à se propulser. Donc, moi, je crois beaucoup à... Quand on laisse les gens dans un contexte favorable, je pense que la paresse sociale, à quelque part, il y a quelque chose qu'on peut faire qui n'est c'est pas si irréalisable que ça. Puis ça, c'est, moi, c'est le moyen, je crois beaucoup en ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des moyens financiers d'y parvenir. Les gens vont dire, oui, mais comment on va payer ça? Québec solidaire a beaucoup de propositions pour aller chercher de l'argent. Oui, bien, ce qui m'amène justement à vous amener sur ça, sur votre projet vert. Oui, notre plan vert. Oui, votre plan vert, c'est-à-dire, oui. Oui, en effet, on a fait une proposition pour la campagne, un plan vert qui est assez... innovateur. Donc, on fait des blagues en comparaison avec le plan Nord. Donc, en effet, on a des propositions de faire du développement durable. Entre autres, on a une proposition d'électrifier notre transport collectif au Québec. Okay. Donc, dans le milieu urbain, mais aussi entre les régions. Donc, faire des tramways électriques. Donc, ce qui nous permettrait de créer au-delà de 100 000 emplois avec des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars. Et avec ça, on développerait une expertise au niveau du transport électrique qu'on pourrait ensuite exporter. Donc, créer de l'emploi, des retombées et évidemment un développement durable, responsable pour les générations futures. Donc, il faut aller vers ça parce qu'on s'est donné aussi des objectifs, évidemment, de réduire les gaz à effet de serre. Donc, ça s'enligne vers ça. Donc, aussi, on souhaite aller pour l'agriculture de plus en plus vers les circuits courts. Donc, encourager l'économie... locale? Encourager localement nos agriculteurs de plus en plus. Donc, pour éviter, encore une fois, les gaz à effet de serre. Puis, autour de 2030, on souhaite abolir là, l'exploitation d'énergie fossile. Donc, aller vers des énergies vertes. Donc, l'éolien est quelque chose là, qu'on prône depuis très longtemps. Donc, surtout en Mauricie, c'est assez intéressant de prôner l'éolien puisqu'on a Marmène ici qui pourrait aussi... propulser l'économie d'éolien. C'est très bon. Là, on va changer un petit peu de sujet. On va tomber, en fait, ça a sorti d'une nouvelle, là, peut-être environ, peut-être un mois environ. Bon, grosso modo, Gilles Duceppe, là, il a dit qu'à la fois Québec solidaire et Option nationale divisaient le vote indépendantiste. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, évidemment, Gilles Duceppe l'a dit, bien des péquistes le disent, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement pendant la campagne. Moi, je mets mon pied à terre et je dis que comme candidate, moi, j'ai fait le choix en me portant candidate, je savais que oui, je divisais le vote, mais personnellement, je vote stratégique depuis que j'ai 18 ans. Mm-hmm. Et là, maintenant, je suis plus capable. Parce que moi, je crois à un changement, mais un vrai changement. Et un changement au niveau social, au niveau économique, pour l'écologie. Je crois aux valeurs de Québec solidaire. Puis si on dit aux gens « voter stratégique », c'est comme si on disait à une masse de citoyens qui se battent depuis des années pour construire un parti comme si de leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un instant, là, pendant quelques semaines, ne pas exister, là, le temps du vote, exister le restant du temps, mais juste pendant le temps du vote, n'existez pas. Parce que on veut faire sortir Charest. Nous aussi, on veut faire sortir Charest. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. De toute façon, là, il y a la CAQ aussi là, qui va diviser le vote pour Charest. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que Québec solidaire a une proposition très importante à amener à l'Assemblée, c'est de changer le mode de scrutin. On en parle beaucoup pendant la campagne. C'est qu'en ce moment, le mode de scrutin favorise les gros partis, puis ça fait 40 ans qu'on fait du bipartisme, c'est-à-dire qu'on alterne entre le Parti libéral et le Parti québécois, et là, c'est assez. Maintenant, ce qu'on dit, c'est vive les petits partis, vive un gouvernement minoritaire où est-ce que les députés à l'Assemblée doivent faire des alliances et écouter ce que les autres ont à dire au lieu d'être en constante confrontation entre deux monopoles qui prennent des décisions pour avoir le pouvoir. Donc, moi, j'ai un souci du bien commun. J'ai un souci qu'on prenne en main le Québec. On est en situation de crise sociale, bientôt écologique et peut-être un jour financière. Pour l'instant, on est quand même assez protégé, mais... Donc, c'est grand temps qu'on mette notre pied à terre puis qu'on amène des gens qui ont des nouvelles idées à l'Assemblée. Et ça, pour ce faire, ça prend un vote proportionnel. Donc, le vote proportionnel, je l'explique rapidement, c'est que si 10 % de la population vote pour Québec solidaire, on devrait avoir une proportion de 10 % de députés à l'Assemblée. Donc là, je l'explique simplement, c'est plus complexe que ça parce qu'on veut une proportionnelle mixte pour éviter d'avoir toujours des petits partis. Donc, 60 % qui sont élus dans le mode qu'on a actuellement et 40 % qui seraient élus à la proportionnelle. Donc, pour en savoir plus, allez voir sur notre site Internet. Puis, bon, dans les médias, on en parle beaucoup, mais ça, c'est quelque chose que ça va être majeur. Si on veut vraiment du changement au Québec, ça va prendre ça. Si on veut des partis avec des nouvelles idées, ça va prendre ça. Puis au niveau du chef d'État, je m'en allais dire président, mais ça advient dans le cas que le Québec deviendrait un pays. Mais bon, pour le chef d'État, y aurait-tu, selon dans votre mode de scrutin, un deuxième mode, un peu comme ce qui se fait en France, où tu as un premier tour pour tous les candidats, là, peu importe le parti, puis après ça, tu as un deuxième tour pour le chef d'État? Oui, ça, on n'en a pas parlé ou j'en ai pas entendu parler. Puis c'est vrai que le fait qu'on devienne souverain, il va y avoir question comment on va mettre des structures en place au niveau de notre... on va avoir un président, tout ça. Mais ça, en fait, c'est même pas Québec solidaire qui va décider ça. Je suis contente que tu m'en parles parce que ça me permet de mentionner une autre chose intéressante avec Québec solidaire, c'est que la journée Québec solidaire est au pouvoir, ils vont former une assemblée constituante formée de citoyens, de gens issus de différents milieux qui vont représenter vraiment la société avec un pourcentage en respect avec les voix des Québécois, Québécoises. Et c'est eux, pendant le temps qu'ils vont prendre le temps qu'il faudra pour aller sonder la population et mettre sur papier un projet de souveraineté que quand les gens vont voter, un référendum, ils vont savoir sur quoi qu'ils votent. Parce que c'est ça le problème actuellement. Ouais. On nous propose un projet de souveraineté, c'est bien beau, mais jour 2, il se passe quoi? Donc nous, Québec solidaire, on veut préparer le terrain, puis pas nécessairement la classe politique, là. Des gens sur le terrain. On veut vraiment amener une démocratie participative et après ça, prendre des recommandations et proposer quelque chose de tangible à la population. Un peu comme ce qui s'est fait dans divers partis, pas dans divers partis, mais dans divers pays qui sont devenus indépendants au cours du 20e siècle. Exactement. Comme en Irlande, par exemple. Exactement. Très bien. Maintenant, on va encore changer de sujet. On va revenir sur. Sujets avec Québec solidaire, donc. On va revenir sur votre circonscription électorale, celle de Masquinongé. Puisque dans le fond, dans votre circonscription, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a des retraités. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, vous, par exemple, pour les personnes âgées ainsi que pour les jeunes retraités? OK. Première chose, un des cinq enjeux majeurs de la campagne, c'est des retraites dignes. Donc, ça, c'est une chose très importante parce que, bon, là, c'est sûr qu'en ce moment, on est encore sécurisé au niveau des retraites, mais on pense à ce qui s'en vient. Là, avec les coffres, on nous parle de coffres qui sont vides pour les retraites des gens là, qui vont être éventuellement à la retraite. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que toutes les retraites soient, avec la RRQ, soient prises vraiment de façon, soit gérée de façon centralisée. Okay. En ce moment, la RRQ assure 25 % du salaire que le citoyen a eu dans sa vie là, par année. Nous, on suggère d'aller jusqu'à 60 % et que les employeurs, au lieu d'avoir des initiatives selon les entreprises, que ce soit inégal, que ce soit pas solide, hein, parce que là, les entreprises sont dans un contexte de mondialisation, les entreprises s'en vont. Ouais. Exactement. Donc, centraliser, puis que les employeurs, à la place, cotisent directement au RRQ, les citoyens aussi, évidemment. Donc, sécuriser, parce que là, en ce moment, les partis politiques nous disent épargner, faut épargner. mettez de l'argent de côté, mais c'est des montants faramineux si on veut être capable de vivre. Puis après avoir fait tes études, t'as pas le temps de faire ça, t'as pas l'argent pour les gens, ils le font pas. Donc, si les gens ils le font pas, ben il faut prendre d'autres moyens. Donc, ça, c'est ça pour les retraités. Mais maintenant, je vais revenir, bon, là, c'est dans un contexte quand on va avoir le pouvoir, mais on va le proposer quand même en Assemblée parce qu'on va avoir plusieurs députés à la prochaine élection. Oui. Donc, on va avoir des voix pour proposer ce genre de projet-là. Maintenant, je reviens à Masquinongé aussi. Une réalité de Masquinongé, c'est que c'est une circonscription qui est dévitalisée. Certaines municipalités sont considérées comme étant dévitalisées. Mm-hmm. Donc, en ce moment, il y a des démarches de revitalisation où est-ce qu'il y a des programmes, il y a des concertations de gens du milieu avec des gens, des citoyens, des gens de l'entreprise privée, des gens qui se concertent, regardent c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités, puis ça serait quoi les solutions pour revitaliser les municipalités. C'est quoi comme par exemple aller avec des projets de nouvelles coopératives ou des organisations, des entreprises d'économie sociale. Est-ce qu'on a besoin de faire de l'insertion sociale? Est-ce qu'on a besoin de faire des projets pour attirer des jeunes? Et assurer aussi des services de proximité, s'assurer qu'on a des services de proximité adéquats pour attirer des jeunes familles. Donc, on parle de retraités, mais avoir seulement que des retraités dans une circonscription, c'est pas souhaitable, évidemment. Ça prend une population qui est diversifiée, donc des jeunes familles, des gens qui travaillent et des retraités. Donc, je verrais ça, cette approche-là, vraiment d'une façon intégrée. Et moi, comme candidate, si j'étais députée, moi, je soutiendrais ce genre d'initiative-là. Puis je travaillerais évidemment aussi au développement économique pour amener aussi des retombées dans la région. Très bon. J'aimerais avoir un peu ton point de vue, dans ce qui s'est passé là, récemment dans l'actualité avec le maire Jean Tremblay de la ville de Saguenay. Les propos qu'il a tenus face à la candidate péquiste dans Trois-Rivières qui s'appelle Jamila Benhabib. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Est-ce que, je sais pas... Oui, moi, je peux... oui, tout à fait, comme personne qui était à l'international. Bon, en ce qui me concerne, moi, je crois à un Québec pluriel. Québec solidaire aussi prend position ferme sur la question, dans le sens où, depuis les tout débuts, Québec solidaire... Se veut pour la laïcité et aussi pour l'intégration des immigrants. Donc, Jamila Benhabib est une citoyenne du Québec. Donc, de la traiter de la sorte, c'est un peu comme finalement la rejeter. Donc, c'est un rejet public. Là. Puis, c'est pas juste cette dame-là qu'on rejette finalement. Ça veut dire que c'est un rejet aussi pour les immigrants qui sont en train de s'intégrer à la culture québécoise. À la culture québécoise. Donc, nous, Québec solidaire, on fait beaucoup d'efforts pour intégrer toutes les classes de la société. Bon, les hommes, les femmes, les autochtones, les immigrants. On croit à un public, un Québec pluriel, donc inclusif, et tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, c'est ça la position de Québec solidaire, et j'abonde dans ce sens-là à 100%. Très bien. Dernière question avant qu'on passe en musique. J'aimerais ça, si vous pourriez parler de votre point de vue face au système de santé québécois. Oui, c'est une très bonne question. Justement, j'ai fait mon essai sur la question dans le cadre de mon MBA. Okay. J'ai travaillé, mon sujet de recherche était l'efficacité organisationnelle dans le système de la santé par le modèle Toyota. Là, je fais une petite parenthèse parce que à Québec solidaire, j'ai pas encore entendu parler de ça, mais j'ai un souci de l'efficacité dans notre réseau de santé québécois parce qu'il faut faire quelque chose. Okay. Donc, la position de Québec solidaire sur les réseaux de santé, c'est qu'il faut absolument, évidemment, prendre ça de front. Amir Kadir vient de faire une proposition, c'est de renforcer nos CLSC. C'est une idée qui était géniale, qu'on a mis sur pied puis qu'on a abandonnée. Les CLSC, ce que ça permet de faire, c'est de rapprocher la santé, tout ce qui est santé, mais aussi côté social, de ramener ça proche de la population. Parce que c'est plus petit, justement, puis personnalisé. Ça rassemble plus le monde là, des quartiers, finalement. Exactement, ça rassemble les gens, puis aussi, ça permet, en faisant ce rapprochement-là, de favoriser la prévention. Parce qu'une population en santé, c'est pas juste de traiter la personne quand elle est au bout du rouleau ou quand qu'elle a atteint le stade maximal de sa maladie. Hein, c'est les sous, là, on se soucie de nos sous, mais bon, aussi surtout de la santé de notre population. Mais quand on parle d'économiser des sous pour le système de santé, c'est de faire de la prévention, de ramener, de désengorger nos hôpitaux. Comment on fait pour désengorger nos hôpitaux? Bien, c'est d'amener des services de proximité proches de la population, d'amener plus de soutien pour les personnes âgées, parce que c'est les personnes âgées, nous dit-on, qui engorgent les urgences parce qu'ils n'ont pas assez de soutien, ils n'ont pas assez d'aide. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis après ça, c'est sûr, renforcer nos institutions dans les hôpitaux pour les rendre plus efficaces. Donc, en ce qui me concerne, je crois moins là, aux méga-fusions, aux méga-hôpitaux. Là. Je suis plus pour... plus, quand on parle de santé, on parle de l'humain. Mm. On parle des gens qui ont des émotions. La santé et les émotions, c'est pas loin. Là. Donc, c'est important de prendre soin de nos gens. Puis même aussi au niveau des employés dans les hôpitaux. Quand on entend des témoignages, là, plus ça devient gros, plus ils se sentent perdus, plus c'est dépersonnalisé. Donc, il faut penser aussi aux services, aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, de leur bien-être pour les garder, pour favoriser, avoir donné envie aux jeunes aussi d'embarquer dans la profession. Donc, voilà. Je crois à beaucoup de changements dans le système de santé. C'est bon. Oui. Avant qu'on se quitte, finalement, t'aurais-tu, ben, quels seraient tes souhaits justement pour la campagne qui s'en vient, en fait, puis pour l'élection, excusez-moi, du 4 septembre? Ben moi, je crois, je souhaite que les gens votent avec leur cœur. Définitivement, si j'ai quelque chose avec quoi conclure, c'est le vote stratégique. Moi, je dirais, au lieu de parler de vote stratégique ou même, en parenthèse, de vote pathétique, mm-hmm. puis d'aller voter pour contre qui vous voulez pas, voter avec votre cœur, puis croyez en vos convictions, croyez, faut croire à un Québec meilleur, puis aller au-devant de ses convictions, puis avoir des rêves. Très bien. Oui. Bon, ben merci. Ben merci beaucoup. Merci de votre accueil. Bonne chance. Merci beaucoup.